cherchais, j'ai cherché partout, personne. Formule. J'ai fouillé par-ci, par-là, personne. J'ai tourné, tourné dans le monde personne. Entier. Personne, personne, personne comme Jésus. Il n'y a personne, personne, il n'y a personne.